Parce que pour se caler sur le putain de métronome, même en visuel, c'est pas évident. Et alors, si tu le fais sonner, c'est dégueulasse comme son. Ouais, mais c'est bien de le couper, mais on se décale. J'ai pas fait gaffe. Ah ouais. Sang you'd have ten. Would you stand upon wall coat on me?